pense à ma mère, je sais que je pourrais t'aider pour elle. Quand en face tremble grave, syndrome de Tourette. Je sais qu'ils veulent tirer sur la loud que je possède juste pour finir tout raide. Suis-je comme des Rosanne, fume du kérosène. Au-dessus du game comme Léo, je suis sec des Fouquet, zéro van. H.O.Z, crypto lingo cache aussi. Dans l'équipe que démonce pas docile, fils c'est pas Indochine. Je suis masqué, je veux pas trop qu'ils savent qui je suis comme Satoshi. Slim et ma carte m'adoucit, dans la cahier plein de raccourcis. Fais passer la bafoule comme l'oxy. Y'en a qui ont voulu faire les voyants, fais charcler dans la coursive. Genre de tout le pectoral saillant. Il lui a vu les louches, Vesky, ça fume le shit d'ailleurs. J'ai que c'est nos styles qui vise, la chatte à Lord Mayor. Ça s'informe jusqu'à l'aube, jusqu'au matin. Tu t'affrontes à nous, c'est jusqu'à haut. Les rimes sont tranchantes, affûtées comme Opinel 13. Déjà tu peux, trop nerveux, j'ai des dingueries à la maîtresse. Mon flow je maîtrise, je ne pardonne pas la traîtrise. Passer des jours où j'étais triste, non j'empile les bris comme Tetris. Tetris, papier faut empiler. Fume avec nous, essaye de finir en entier. Main gauche, main droite, j'gratte. Que des joints de Bob, j'craque. Ils essayent tous rap, pieds sur terre sur la moon, j'plaque. Tous les trafics prolifèrent, ça revend la neige tout l'hiver, bitch. Eux ils sont trop la boca, ils méritent que des coups de fer, bitch. Nouvelle ère, on est en cours, faut les fafabets en cours. Les vies sont courtes, faut le logo qui brille à nos coups. T'inquiète, on est grave beaucoup, on veut v'là les ice au cou. Les foufous oublient que la retourne. Monze blanc, jaune, je grave, maintenant le sommet, je gravis. Leur arrive, faut taille gravite. La justice veut nous condamner, va falloir qu'on bombarde. J'ai vu, serve là les kilos d'amener. Transac, faut pas qu'on tarde. Y'a pas d'effet, c'est réel. Fume la milk, c'est réel. 667, c'est le réel. Face à eux, c'est rien. C'est rien, c'est wello, frérot. J't'ai dit, c'est la trap shit. J'en connais qu'on quittait l'école pour goûter un tas de shit. J'pense à ramener le papier cette année. Cherche la faille, ils font cramer. Les best saveurs, j'fais cramer. Froze. Ça revend la neige tout l'hiver, bitch. Eux ils sont trop la boca, ils méritent que des coups de fer, bitch. Ils sont trop la boca, ils méritent que des coups de fer, bitch. Ils sont trop la boca, ils méritent que des coups de fer, bitch. Il lui a vu les louches, Vesky, ça fume le shit d'ailleurs. J'ai que c'est nos styles qui visent, la chatte à Lord Mayor. J'ai que c'est nos styles qui visent, la chatte à Lord Mayor.